Je me lève le matin, une colle de bâtard. Comme d'hab, une gueule de bois, une cigarette, un café noir. Dans la fenêtre, pas de soleil, il ne fait que pleuvoir. Donc direct, première envie, me remettre au plumard. Embrasser ma chérie, ah merde, c'est vrai que j'en ai pas. Rien de sérieux, mais celle-ci doit bien être quelque part. Mais où ça, mais où ça, mais où ça? Sûrement très loin de chez moi, ou alors elle se flambe. Ce matin ça va pas, mon ex me hante, les gosses me mentent. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, je peux pas faire autrement. En plus hier j'ai fait la fête, j'ai le syndrome boule de pétanque. Hey Liceo, je tire ou je pointe. Moi je veux me tirer d'ici et me barrer très très loin. Là où y'a plein de soleil et des je t'aime chaque matin. Ah mais t'as pas d'oseille alors tu restes à Carlin. Oh putain, tu l'as vu le gamin. Il a pas l'air du matin. Encore un matin où j'ai trottisé la veille. Encore un réveil qui sera censé merveille. Encore un matin où j'aimerais rester dans mes rêves. Encore un matin où j'ai trottisé la veille. Encore un réveil qui sera censé merveille. Encore un matin où j'aimerais rester dans mes rêves. Encore un matin seul tout, pas de câlin, non y'a rien du tout, tout doux. Mal à la gorge et tu sais que c'est pas la toux. J'allume mon stick comme chaque jour j'espère une vie meilleure. Pas mourir à la Tupac, Amaru Shakur. Y'a de l'amour, ben dis-moi où c'est que j'y cours. Y'a plus d'euros, même plus assez pour faire les courses. Jusqu'au cou dans la merde, endetté, ouais on est tous. Le chômage pour la frousse, les banquiers à nos trousses. La ville devient la brousse, pour un euro on se pousse. Ça, ça te bouscule, d'autres t'enculent. On dort plus tranquille, une seule envie se barre d'ici. Changer de paysage, genre au bord de la plage. Déliassé, j'en suis sûr qu'on serait plus sage. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Tous les matins c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Oh putain, il a vraiment l'air pas bien. Encore un matin où j'ai trottisé la veille. Encore un réveil qui sera censé merveille. Encore un matin où j'aimerais rester dans mes rêves. Encore un matin où j'ai trottisé la veille. Encore un réveil qui sera censé merveille. Encore où j'aimerais rester dans mes rêves. Et alors ce matin, comment qu'il va le collègue? Encore un de ces matins foutus où je me réveille la tête dans le huc. Où j'ai l'air de tout, tout, tout sauf un duc. Où je me sens tout sec, sec, sec comme un duc. Remonté de vodka et de sky dans le hook. Demain promis j'arrête de fumer, de boire des coups. Pour que le matin soit comme ça, ça n'en vaut pas le coup. Ah ben quand même hein, il en a mis du temps le quand même. Encore un matin où j'ai trottisé la veille. Encore un réveil qui sera censé merveille. Encore un matin où j'aimerais rester dans mes rêves. Encore un matin où j'ai trottisé la veille. Encore un matin où j'aimerais rester dans mes rêves.